Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière chronique de Classic Oldies. Pour terminer, j'ai voulu rendre hommage à tous les artistes que je n'ai pas pu aborder dans mes chroniques et qui me tiennent à cœur. Donc considérez cela comme un bonus plutôt qu'un épisode classique. J'ai jusque-là parlé des musiques des années 60 et 70 afin de catégoriser la chronique et garder un fil rouge durant ces deux ans, mais mon amour pour la musique va bien au-delà du rock et des années 70. Allez, c'est parti pour un petit hommage. Le rock progressif, très présent dans mes chroniques, ne se contente pas de 2-3 groupes. Il a traversé les violons de Gentle Giant et Curved Hair, voyagé dans l'Hexagone chez Magma et Orion, en Italie avec PFM et Les Orme, et en Allemagne avec Eloy et les leaders du Krautrock, Can, Nectar, Kraftwerk et Neu. En Angleterre, il est omniprésent, la folie de John Anderson, Steve Howe et Eric Wakeman donne Yes, la virtuosité de Steve Hackett, Phil Collins et Peter Gabriel donne Genesis. Les pionniers, Procol Harum, les Moody Blues, Van der Graaf Generator, The Nice, les virtuoses du Canterbury, Camel, Soft Machine, Gong et Caravan. Le rock progressif erre dans la Grèce de Aphrodite Child, dans les Pays-Bas de Earth and Fire et bien sûr dans l'Amérique de Kansas, de Styx, de Rush et d'Harmonium. Et il tente de persister encore aujourd'hui avec Marillion dans les années 80 et plus récemment Porcupine Tree et leur leader Steven Wilson. Rendons hommage aussi au blues rock de Cream, de Ten Years After, de Fleetwood Mac, de Yardbirds, de Free et des Blues Brothers, sans oublier les Creedence Clearwater Revival, George Thorogood et Leon Russell. Il va de soi aussi d'évoquer les légendes de Woodstock, John Baez, Santana, Canned Heat, Grateful Dead, Sly and the Family Stone, The Band, le psychédélisme de Jefferson Airplane, la gestuelle de Joe Cocker, le Super Quatuor Crosby, Still Nash et Neil Young, et bien sûr l'irremplaçable et regretté Jimi Hendrix. Faisons un petit tour dans le hard rock, avec les géants Black Sabbath, Aerosmith, Scorpion et Statu Quo, puis dans le glam rock avec T-Rex, Roxy Music, Alice Cooper, Kiss, Sweet et les Sparks. Si l'effet de groupe nous rend plus fort, certains artistes solos sont indétrônables. Bob Dylan, Dolly Parton, Leonard Cohen, Cat Stevens, Jeff Beck, John Mayall, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Kate Bush, Billy Joel, Peter Frampton, Nina Hagen et The Rocketman Elton John. Bien sûr, les légendes ne se limitent pas au rock, la trompette de Louis Armstrong nous le prouve bien, mais aussi le trombone de Glenn Miller, le piano de Duke et de Dave Brubeck. Ils sont nombreux, Charlie Parker, Thelonious Monk, Quincy Jones, Louis Prima, Herbie Hancock. La musique, c'est aussi celle des voix, celle de Mr. Dynamite avec James Brown, celle de Nina Simone, de Marvin Gaye, d'Otis Redding, d'Al Green, d'Aretha Franklin et de Ray Charles. Le rock, en France, initié par les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages, a traversé les générations. Certains s'en sont plus ou moins inspirés. Au-delà des groupes iconiques Téléphone ou encore Indochine, on retrouve le touche-à-tout Serge Gainsbourg, le poète Nino Ferré, l'argot de Renaud, l'écorché vif Jacques Higelin, le trop peu connu William Scheller et le légendaire Alain Bachou. Nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse. Les années 80, boudées dans mes chroniques et décevantes sur certains points, regorgent tout de même d'artistes remarquables, notamment à travers la New Wave. Depeche Mode, New Order, Foreigner, The Cure, Blondie, Madness, Men at Work, les Talking Heads. Et ce ne sont pas les seuls à avoir marqué nos parents, il y a aussi Toto, U2, The Pretenders, les Doobie Brothers, Boney M, Donna Summer, les Bee Gees, et le plus connu de tous les temps, Michael Jackson. We'll be right back. Les années 90, encore différentes, sont marquées par un renouveau du genre et l'apparition de nouveaux styles. C'est l'alternatif et l'indé de Radiohead, de Muse, de REM, de Midnight Oil, des Pixies et des Red Hot. C'est le trip-hop de Massive Attack et de Portishead, le rock-rap de Rage Against the Machine et plus tard Gorillaz et Stupeflip. Et comment évoquer cette décennie sans rendre hommage à Kurt Cobain et Nirvana ? Mais si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce aux pionniers que sont Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard et bien sûr The King, Elvis Presley. Ils ont inspiré les sudistes Allman Brothers et Grand Funk Railroad, influencé les psychédéliques Velvet Underground, Love et Zombies, et persuadé les Clash, les Sex Pistols et autres Offsprings à revenir à une musique plus brute. Le rock nous a aussi offert des riffs ancrés dans nos mémoires, ceux des Guns, ceux d'Iron Maiden, ceux de Judas Priest, de Steppenwolf, de Motley Crue et de Motorhead, de Boston, des Kings, de Ram Jam et des Eagles. Le rock n'est bien sûr pas la musique de diable, demandez ça aux Beach Boys, aux Turtles, à Asia, à Tennessee et à America. C'est une musique universelle que l'on retrouve dans tous les styles, le funk de Parliament, de Funkadelic, de Kool & The Gang, de Stevie Wonder, la musique électronique de Justice, de Daft Punk, de Jean-Michel Jarre, de Giorgio Moroder, de Hair, de L'Impératrice, le reggae des Wailers, de Peter Tosh et de Jimmy Cliff, et même de UB40. Bref, de Boston à Noir Désir, de Frank Zappa à Tame Impala, des Mamas and Papas à Dream Theater, en passant par Cassiopeia et T-Square, tout n'a rien à voir et pourtant tout est rock et musique. Merci la musique, merci l'Animals, merci le rock, merci Simon & Garfunkel, merci à l'équipe de RGR de m'avoir permis de partager ce que j'aime le plus au monde. Merci les Monkees, merci B.B. King. C'était Classic Oldies. Dark un jour, peut-être soir, s'aventure hors du trottoir. Pas le temps de regarder un éclair de réalité, lucidité. Dark se retrouve renversé, Cradellac, Elvis versa. Un poison qui le réanima. Et depuis comme Marvel, comme un mutant, Cradellac, de temps en temps, Dark et Crad à chaque instant. Il a tourné chez ses parents. Et tu sais la blonde Isabelle? Ouais, ouais. Ah, je crois qu'elle est devenue cinglée quelque part du côté de Bali. Et le même plus grand. Ah ouais, celui-là. Et tu te rappelles ton mec? Ah, je veux pas m'en rappeler. On a vieilli, tu sais. On s'en fout. Ouais, mais enfin, fais gaffe quand même. Regarde, il fait jour. J'aimais pas quand il faisait jour, s'endormir avant. Ah, j'aimais pas ça, c'était flippant. Laisse tomber. C'était bien mieux avant. Elle dit ça lentement. Moi je sais que le temps n'attend personne pourtant. j'aime plus si seulement. Elle se dit, moi aussi. Je suppose que j'ai vieilli. Enfant du paradis. Du purgatoire aussi. Mais de consolation. Personne ne sortira d'ici vivant. Ah, rappelle-toi. Allez, sois vivant. Pour ce qui est d'avant, elle n'a rien connu vraiment. Elle perd l'équilibre. Elle croit avoir des ailes. Icon Icar, Icon Get. Elle est juste. Prospecte sur les anges du paradis. Moi je suis un ange déçu, un prince en exil. Supportez-moi, c'est moi le bûcher des vanités. Je m'aventure à 10 mètres de chez moi. Je saute de la fenêtre du rez-de-chaussée. Je grimpe jusqu'au premier étage. Dark un jour, peut-être soir, s'aventure hors du trottoir. Dark se retrouve renversé. J'ai peur des noix de coco depuis Chris Richard. J'irai en enfer avec Richard Hell. C'était bien mieux avant. Elle dit ça lentement. Moi je sais que le temps n'attend personne pourtant. C'est vrai de temps en temps. Je me dis si seulement. Elle se dit moi aussi. J'suppose que j'ai vieilli. Enfant du paradis. Du purgatoire aussi. Mais de consolation. Personne ne sortira d'ici vivant. On est fou. On est con. C'est tant mieux. Ça évite de devenir.